Chapitre 8. San Pedro, Minca, le planteur philosophe, les courriers. Pendant mon séjour de quelques semaines à Sainte-Marthe, j'avais déjà pu m'apercevoir qu'il me serait assez difficile de fonder une exploitation agricole telle que je l'entendais. Presque toute la plaine est divisée en parcelles d'assez médiocre étendue, appartenant à des métis et à des noirs, qui cultivent eux-mêmes leurs arbres fruitiers et viennent tous les matins porter à la ville le produit de leur cueillette. Je ne pouvais guère penser à entrer en association avec l'un de ces agriculteurs, braves gens vivant sans aucune préoccupation de l'avenir et passant leur vie, assez paresseuse d'ailleurs, en dispute au sujet des conduits d'irrigation, souvent accaparés au profit d'un seul. Quant aux vallées et aux pentes de la Sierra, dont les terrains d'une exubérante fertilité suffiraient pour nourrir amplement un 500 000 d'hommes, ils ont été concédés depuis longtemps à quelques grands capitalistes qui ne veulent ni vendre ni cultiver et, dans le vague espoir d'une future colonisation entreprise sur une échelle gigantesque, refusent d'aliéner la moindre partie de leur immense territoire. Ils ne l'ont jamais visité, jamais ils n'ont essayé d'en parcourir les solitudes. Ils en ignorent même la véritable étendue. Mais du moins, peuvent-ils chaque soir, en se promenant le long de la plage, contempler les montagnes bleues, les vallées pleines d'ombre qui leur appartiennent, et se dire avec satisfaction « Tout cet horizon est à moi ». Les pentes de la Sierra Nevada faisant face à Sainte-Marthe sont les seules qui aient été monopolisées en prévision des immigrations futures. Les autres versants et la plus grande partie de la chaîne centrale n'ont encore été concédés à personne par le gouvernement de la République et tout colon sérieux peut s'y établir sans passer sous les fourches caudines d'un premier cessionnaire. Malheureusement, ces régions sont tout à fait inaccessibles aux voyageurs partis de Sainte-Marthe et, pour pénétrer dans l'intérieur même du massif de la Sierra, il faut nécessairement choisir comme point de départ la ville de Rio Hacha ou les villages situés au midi de la grande vallée du Rio César. Je devais donc me résoudre à quitter cet Eldorado de la plaine du Manzanares. Mais afin d'en jouir aussi longtemps que possible, je résolus de compléter dans les environs de Sainte-Marthe mes études préliminaires sur l'agriculture tropicale. À cette époque, seules les exploitations importantes du district étaient celles de San Pedro et de Minca, appartenant toutes les deux au même propriétaire, Señor Joaquim Mier, le plus riche commerçant de la ville. San Pedro est situé non loin de Mamatoco, entre le Manzanares et son principal affluent descendu des gorges de la Orcueta. L'eau, cet élément nécessaire des plantes, coule en murmurant dans les petits aqueducs ménagés le long des canaux de service. Des arbres gigantesques, croissant au bord du fleuve, balancent leur feuillage d'un vert sombre au-dessus des vastes champs de canne. Dans le jardin, d'où s'échappent des parfums irritants, se montrent d'innombrables arbustes couverts de fleurs qui s'étalent en nappes ou ruissellent en cascade sur les branches inclinées. Partout, la nature fait son œuvre en mer généreuse et donne des produits magnifiques presque sans l'intervention du travail de l'homme. La ferme contraste assez péniblement avec la végétation exubérante qui l'environne. Les bâtiments d'exploitation sont en mauvais état. Les cours sont dépavés. La machine à vapeur, toute détraquée, fonctionne rarement. Et la plus grande partie du vin de canne est distillée et transformée en chicha. C'est à San Pedro, dans une modeste chambre de la maison d'habitation, que mourut en 1830 le général Bolivar, accusé par ses concitoyens d'avoir attenté aux libertés de sa patrie et d'avoir gouverné en empereur la république dont on l'avait nommé président. Minca, ainsi nommé d'une tribu d'Indiens qui jadis habitait cette partie de la Sierra, est l'une des plus anciennes plantations de café du Nouveau Monde et les produits en sont célèbres sur toutes les côtes de la mer des Caraïbes. Aussi les cafés de Cucuta, de la Sierra Negra et d'autres provenances en usurpent-ils souvent le nom. Les étrangers qui font un séjour de quelques semaines à Sainte-Marthe ne manquent pas d'aller visiter Minca et, malgré la fatigue d'une marche de 5 heures par des chemins raboteux, ne regrettent jamais cette excursion, la seule qu'ils puissent faire sans danger dans la Sierra proprement dite. Après avoir contourné l'usine de San Pedro, on gravit successivement les pentes arides de plusieurs peladeros, puis on suit le bord d'une gorge profonde que l'on devine plutôt qu'on ne la voit, tant les arbres y sont pressés l'un contre l'autre. Quand, de l'étroit sentier où l'on est comme suspendu, on se penche pour regarder au fond de la vallée, on n'a sous les yeux qu'un abîme de feuillage, un mélange inextricable de troncs, de lianes et de feuilles. À peine voit-on briller un point blanc, un flocon d'écume qui indique le passage du torrent dont les cascades mugissent pourtant comme un orage. Bien au-dessus du sentier, les mêmes arbres dont on a pu distinguer au fond du gouffre les troncs cachés par un amas de feuilles entrelacent leurs cimes et ne laissent passer à travers leurs branches qu'une vague et mystérieuse lumière. Le sol sur lequel on marche disparaît sous les plantes de toute espèce. On pourrait se croire perdu dans un océan de verdure. Une fois même, il m'arriva de ne pouvoir me rendre compte du paysage environnant. Il me semblait que je passais sur un pan de verdure jeté au-dessus d'un torrent dont j'entendais l'eau mugir à une grande profondeur. Mais les arbres qui se dressaient à droite et à gauche étaient si bien enguirlandés de parasites en fleurs, les abords du pont étaient tellement embarrassés de hauts arbustes entremêlés que je ne pus savoir s'il était dû au travail de l'homme ou s'il n'était autre chose qu'une arche de rocher percée par le torrent. On comprend que dans une nature aussi fougueuse, le sentier soit très souvent oblitéré par la végétation, obstrué par des arbres abattus, raviné par des inondations soudaines. Cependant, ce chemin, dont les courbes et les zigzags changent tous les ans sous les pas des animaux et des piétons, on voit encore l'ancien chemin des Indiens Mincas, pavé de dalles de granit longues de plus d'un mètre. Dans les endroits où la pente de la montagne est très rapide, ces dalles sont disposées en marches d'escalier. Le plus souvent, elles sont posées à plat sur le sol incliné et forment un pavé glissant sur lequel les montures n'osent s'aventurer, surtout en temps de pluie. D'ailleurs, ce chemin ne tourne aucun obstacle et gravit les collines escarpées, descend à pic dans les vallées, sans dévier de la ligne droite. On voit qu'il a été construit par une race de montagnards auxquels la fatigue était inconnue. Aujourd'hui, il ne reste plus des Indiens Mincas que le nom et cette route monumentale à côté de laquelle les Espagnols ont tracé leur sentier coupé de fondrières. Du sommet d'un rocher escarpé que traverse le chemin, on découvre tout à coup la plantation de Minca, vaste clairière que la forêt environne de toutes parts de ses flots de verdure. Un pont jeté sur le torrent de Gaïra, puis une avenue d'orangers conduisent à l'habitation principale située à 600 mètres de hauteur, à mi-pente d'un contrefort de la Horcueta et dominant une gorge sauvage qui s'arrondit en demi-cercle au pied de la montagne. Malheureusement, cette cafetterie n'est pas mieux tenue que la sucrerie de San Pedro. Les caféiers, plantés en quinconce de 3 en 3 mètres, sont couverts de mousse, de rares cerises, mêlent leur rouge éclatant au vert du feuillage. Des herbes percent à travers le sol battu de l'air où l'on étale les baies pour en faire sécher l'enveloppe. Les ouvriers semblent aussi beaucoup plus soucieux de faire la sieste que de sarcler les champs. Chose étonnante, dans cette plantation si fertile où l'on n'a qu'à semer au hasard pour que la terre produise au centuple, où l'on pourrait faire croître dans le même verger tous les arbres fruitiers du globe, on n'a pas songé à défricher une partie de la forêt pour y établir une bananerie ou un jardin potager et tous les matins, il faut qu'une caravane de péonesses, d'ânes et de mulets aille chercher à Sainte Marthe, à 5 lieues de distance, les provisions de chaque jour. Péonès. Ouvrier, terrassier, manœuvre. Quand je me fus présenté moi-même au capataz Fortunato, le brave homme fut vraiment effrayé de mon arrivée inattendue et put à grand-peine découvrir dans la plantation 4 bananes et une panella de sucre pour remplir envers moi les premiers devoirs de l'hospitalité. D'ordinaire, les visiteurs apportent des vivres avec eux afin de n'être pas réduits, pour tout repas, à quelques tasses de café. La décadence de Minka date de l'abolition de l'esclavage. Avant cette époque, un grand nombre de nègres travaillaient, non point sous le fouet, car il était bien rare en Colombie que les esclaves fussent maltraités par leurs maîtres, mais sous une surveillance constante, une contrainte morale à laquelle il leur était presque impossible d'échapper. Ils donnaient tous les jours leur travail, presque gratuit, et que le maître fût présent ou éloigné, l'ouvrage ne s'en faisait pas moins dans la saison favorable. Les produits se recueillaient au temps voulu, et l'argent payé pour les récoltes affluait régulièrement dans la caisse. Lorsque la liberté fut rendue aux esclaves, les maîtres se gardèrent bien de rien changer à leur système d'agriculture et suivirent avec scrupule leurs anciens errements. Au lieu de se transporter dans leur propriété, d'y surveiller eux-mêmes le travail, ils se déchargèrent sur un capataz du soin de chercher des ouvriers, de régler les prix, et ils virent, en conséquence, leur rente diminuer peu à peu. Dans un pays comme la Nouvelle-Grenade, où chaque homme libre peut avoir un domaine, où les exigences de la vie matérielle, réduites à la simple nourriture, ne demandent qu'un travail insignifiant, tout propriétaire doit, afin de prospérer lui-même, intéresser directement le travailleur à sa prospérité. Quelque temps après mon départ de Sainte-Marthe, M. Joachim Meyer fit venir de Gênes une 50aine d'agriculteurs avec lesquels il espérait transformer de nouveau Minka en une propriété florissante. Ces Italiens passèrent dans le far niente le plus absolu les 3 mois de leur engagement, puis aussitôt après se dispersèrent çà et là, travaillant, défrichant pour leur propre compte. La plupart se réunirent sur le bord de la Cienega de Sainte-Marthe dans un village de formation récente, la Fundación. Là, près de 100 familles européennes s'adonnent à la culture du tabac et des arbres fruitiers. Dans l'espace de 4 ou 5 ans, sous la seule impulsion du travail libre, ce point est devenu le centre agricole le plus important des côtes de la Nouvelle-Grenade. À mon retour de Minka, j'eus l'occasion de voir une fois de plus combien il est facile de s'enrichir par le travail agricole dans les régions montagneuses de la Nouvelle-Grenade. Au fond d'un vallon, j'aperçus un sentier latéral serpentant entre les tiges pressées des bihaos. Note: Heliconia bihai ou Heliconia bihai, bananier des singes. C'est une plante qu'au premier abord, on pourrait facilement confondre avec le bananier. Je le suivis avec une certaine curiosité et bientôt je me trouvai dans une clairière, devant un hangar réduit aux plus simples proportions et consistant uniquement en un grand toit de feuilles de palmier reposant sur 4 pieux. Dans un hamac suspendu par de longues cordes aux poutrelles du toit, se balançait un vieillard de fière mine, lisant paisiblement un journal. À côté de lui, 2 péons dormaient sur des nattes. Un mulet, attaché à un des pieux du hangar, mâchait languissamment des épis de maïs. Ça et là étaient épars des machettes, des selles, des vêtements, des marmites, des assiettes. Dans un coin, entre 2 pierres noircies par la fumée, quelques charbons achevaient de s'éteindre. Au bruit que je fis en frôlant les feuilles de bihao, le vieillard se retourna. Et tout joyeux de voir un caballero étranger, se redressa sur son hamac et m'invita courtoisement à me reposer à l'ombre de son toit. Puis il réveilla un de ses péons et lui ordonna de tendre un second hamac et de me préparer une tasse d'al jengibre. Note: boisson exquise et salutaire produite par l'infusion d'une racine de gingembre dans une eau fortement sucrée. Trop poli pour me questionner sur le but de ma promenade, il se hâta de prévenir mes explications en me racontant lui-même comment il en était venu à s'établir ainsi dans un rancho perdu au milieu des forêts. Devenu héritier depuis quelques mois seulement d'un territoire de plusieurs lieues carrées, Seigneur Colantes, frappé d'une inspiration soudaine, avait pris la résolution, bien étrange aux yeux de ses amis, d'aller cultiver une partie de son vaste domaine. Choisissant près du chemin de Minka, un vallon abondamment arrosé et dépourvu de grands arbres, il y fit mettre le feu sur plusieurs points à la fois, et l'incendie se propageant avec rapidité à travers les hautes herbes, forma bientôt une vaste clairière où se dressaient encore çà et là quelques troncs noircis. 2 ou 3 jours suffirent pour que le rancho s'éleva au milieu des cendres. Le hamac y fut suspendu et Colantes s'y installa comme sur un trône. Sans se déranger de sa position horizontale, il surveillait d'un coup d'œil tous les travaux agricoles et indiquait du geste dans quelle partie du vallon ou des collines environnantes il fallait semer le tabac, planter les bananiers ou les cannes à sucre. Il prenait ses repas avec les ouvriers, buvait avec eux le gingembre ou le café et ne manquait jamais, bien avant le fort de la chaleur, de les rappeler pour la grande sieste. Tous les 3 ou 4 jours, un péon allait à la ville chercher les journaux, les lettres et les provisions. Une fois toutes les semaines, quelque ami ou bien un étranger allant à Minka venait rendre visite au vieillard. Celui-ci, vrai philosophe, n'en demandait pas davantage pour être heureux. Il était à l'abri de la pluie. Son hamac et sa couverture lui tenaient lieu de tous les conforts que l'on croit nécessaires dans les villes. Son journal lui apprenait ce qui se passait de par le monde. Il voyait ondoyer sous la brise ses bananiers et ses cannes. Que pouvait-il désirer de plus? D'ailleurs, son entreprise devait immanquablement réussir, car ses dépenses étaient presque nulles. Ses récoltes étaient vendues d'avance à un prix élevé et il avait eu soin de s'assurer en tout temps le travail des péons en faisant d'eux ses libres associés. Pour étudier la pratique de l'agriculture tropicale, j'aurais peut-être bien fait de demander l'hospitalité pendant 2 ou 3 semaines au planteur Colantes. Mais je préférais m'établir dans le voisinage de la ville chez un jeune et intelligent Italien qui, depuis plus d'un an, possédait à une demi-lieue de Sainte-Marthe une rosa, où il cultivait les espèces d'arbres fruitiers les plus importantes et quelques plantes industrielles. Note : rose, dans la Nouvelle-Grenade, on appelle ainsi les jardins et les vergers. Ce jeune homme, heureux de rencontrer un compatriote, car dans l'Amérique du Sud, tous les Latins se disent frères, accueillit ma demande avec joie, et sous sa direction, je me mis immédiatement à l'œuvre. Dans l'espace de quelques semaines, j'appris à reconnaître les diverses variétés de fruits et de semences. Je plantai une rangée de bananiers, j'aidai à réparer une partie du canal d'irrigation. Je m'essayai tant bien que mal à faire de la fécule de manioc, tout cela au grand ébahissement d'un sambo qui gagnait en maugréant ses 40 sous par jour et ne pouvait comprendre qu'un homme dans son bon sens pût trouver quelque plaisir au travail. J'en prenais cependant beaucoup, et pour faire encore mieux mon apprentissage, en m'élevant à la dignité de propriétaire, j'imaginais acheter un charmant jardin d'1 hectare de superficie situé sur le bord du Manzanares et parfaitement arrosé. On me l'offrait avec sa maisonnette et tous ces arbres fruitiers pour la modique somme de 38 francs. J'étais sur le point de conclure le marché lorsqu'en allant consulter mon Italien, je le trouvai étendu sur sa natte, le crâne fracassé. Dans une rixe survenue après boire, un compagnon de bouteille lui avait asséné un terrible coup de bâton. Cette aventure qui me révélait certaines habitudes de mon professeur refroidit mon zèle et ne trouvant personne qui put me servir de patron à la place d'Andrea Giustoni, je résolus de ne plus différer mon départ pour la ville de Rio Hacha. Je pouvais choisir la voie de terre ou celle de mer. La première me semblait infiniment plus agréable. mais nous étions au commencement de la saison pluvieuse, et sans m'entourer d'une foule de précautions que je n'étais pas en mesure de prendre alors, il m'eût été impossible de faire transporter mes effets le long de la plage. D'ailleurs, la course eût été horriblement fatigante. Les courriers de la poste, les seuls auxquels j'aurais pu demander de me servir de guide, font en 3 jours le trajet de 175 km entre Sainte-Marthe et Rio Hacha. Cependant, les 2 premières étapes n'offrent qu'un seul rancho où l'on puisse obtenir quelques secours en cas d'accident. Il n'y a pas même de chemin frayé d'une ville à l'autre, et il faut nécessairement suivre le bord de la mer entre l'eau bondissante et les hautes falaises dont le flot vient ronger la base. Souvent, on doit saisir le moment précis où la vague se retire et s'élancer dans l'eau jusqu'à mi-corps pour tourner l'extrémité d'un promontoire. Si l'on hésite un seul instant, la vague revient tourbillonner au-dessus du voyageur et le roule à travers les pierres éparses ou le broie contre la falaise. 20 fleuves débouchent dans la mer entre Sainte-Marthe et Rio Hacha. À l'époque des sécheresses, la plupart déversent leurs eaux dans les lagunes marécageuses que sépare de la mer un cordon littoral. Mais pendant la saison des pluies, il s'ouvre à travers les sables de nombreuses embouchures toujours changeantes. Et parfois, les courriers, dans leur marche de 3 jours, ont à traverser plus de 100 bras d'eau courante. Lorsque les fleuves ne sont pas très profonds, on peut suivre la barre marquée par la ligne blanche des brisants. Mais tout en marchant sur le sable qui cède sous les pas, il ne faut pas oublier de donner à droite et à gauche des coups de machette afin d'effrayer les monstres, crocodiles ou requins qui pourraient rôder dans le voisinage. Si l'eau est trop profonde ou le courant trop rapide pour qu'on puisse passer à gué, on s'attache solidement sous les bras de zout ou balsas afin de garder la tête et la poitrine hors de l'eau. Et le sabre à la main, on traverse ainsi l'embouchure. L'administration a choisi pour courrier de jeunes Indiens, marcheurs que rien ne lasse et qui pourraient, au besoin, fournir la course entière sans se reposer un instant. À leur arrivée, ils semblent encore aussi frais qu'au moment du départ. Ils sont toujours au nombre de 3 afin de pouvoir intimider les jaguars. L'un porte sur le dos la malle des dépêches, le second est chargé du sac des provisions, au troisième sont confiées les armes et les outres. Chaque course est payée environ 20 francs. Certain d'arriver à demi-mort si j'essayais de suivre ces terribles marcheurs, je pris le parti plus sage d'aller par mer, d'autant plus que pour pénétrer dans l'intérieur de la Sierra, comme j'en avais l'intention, je devais suivre plus tard la partie la plus intéressante de ce chemin. J'allais choisir ma cabine dans la goélette Margarita en partance pour Rio Hacha et je dis adieu à tous mes amis, puis à cette ville de Sainte-Marthe, si belle au milieu de ses jardins, à l'ombre de ses grandes montagnes. À peine avions-nous dépassé le Moro que la cité disparut tout à coup comme un rêve, le plus beau que j'ai fait de ma vie. Et la Sierra Nevada, les promontoires, les îles furent cachés par des milliards de papillons blancs tourbillonnant autour de nous en une immense trombe. Durant toute la traversée, ce nuage mouvant nous cacha le panorama de la chaîne et pour abréger les heures, je fus forcée de recourir à ma petite bibliothèque. Quel ne fut pas mon étonnement en ouvrant mes livres en apparence intacts de les trouver presque entièrement évidés comme des boîtes dont on aurait enlevé le contenu. Pendant mon séjour à Sainte-Marthe, en l'espace de quelques semaines, les termites avaient tout dévoré, sauf les couvertures et les tranches. Et de l'œuvre entière d'un célèbre philosophe éclectique, il ne me restait plus que le titre imprimé en belles lettres majuscules. Singulière ironie du sort. Après une traversée de 2 jours, nous arrivâmes dans l'après-midi en vue des escarpements ou barrancos d'argile rouge qui prolongent à l'ouest la côte de Rio Hacha. Et le soir même, je débarquai sur la longue jetée du port. Fin du chapitre 8.